Bosco Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les quelques titres. Nous commençons ce journal par cette réaction de la direction générale en charge du carburant qui reconnaît qu'il y a eu un retard au niveau de l'approvisionnement du mazout. Dans ce journal également, quatre élèves de la 7e année au lycée communal Kirimba Sud sont retenus au cachot de la police de Bururi depuis l'après-midi de ce jeudi. Le service national de renseignement à Bururi les a arrêtés pour soupçon d'avoir gribouillé une photo du président de la République. Et puis, les effectifs de bandes scolaires en province Mourenvia ont diminué cette année par rapport à la précédente grâce à la sensibilisation des autorités scolaires. C'est un reportage que vous suivrez dans ce journal que nous terminerons par la chronique environnement et un environnement. Mentaliste nous parlera de l'urgence des sources d'eau au Burundi, de l'urgence de protéger les sources d'eau au Burundi qui compte en effet plus de 24 000 sources d'eau, dont près de 2 000 ont déjà tari et plus de 4 000 en cours de tarissement. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La direction générale en charge du carburant au ministère de l'Énergie et Mines reconnaît un retard au niveau de l'approvisionnement du mazout et cette réaction intervient après un constat de manque de ce produit aux différentes stations-service. Daniel Mitawakana précise que d'ici peu, la solution sera trouvée. C'est vrai, c'est une réalité. Il se fait que ces jours-ci, le carburant de type gazoil ne se trouve pas aussi facilement que c'était avant. Donc, ce petit ralentissement au niveau de l'approvisionnement en gazoil, ce ralentissement est dû à une petite rupture de stock, un retard d'approvisionnement. Et les structures qui ont en charge ce secteur sont en train de faire tout ce qui est à leur pouvoir pour que cette question trouve une solution d'avenir. L'essentiel est que le problème est connu et que les services habités sont à l'œuvre pour que ce soit trouvé au plus vite. Nous devons cet élément sonore à nos confrères de la Radio Nationale. Je venais de vous le dire, quatre élèves de la 7e année au lycée communal Kirimba Sud sont retenus au cachot de la police de Bururi depuis l'après-midi de ce jeudi. Le service national de renseignement à Bururi qui les a arrêtés les soupçonne d'avoir gribouillé une photo du président de la République dans leur manuel scolaire. Leurs parents demandent que des enquêtes se fassent sans perturber les activités scolaires de ces élèves puisque, selon ces parents, ils restent même approuvés leur part de responsabilité dans ces documents collectifs. Jean-Pierre Misako. Certains parmi les parents de ces quatre jeunes garçons disent être attristés par l'arrestation de leurs enfants à quelques jours de la fin de l'année scolaire. Une arrestation sur fond d'accusation de gribouillage d'une photo du président de la République dans des manuels scolaires non individuels. Ces parents demandent que leurs enfants soient libérés et aillent terminer l'année scolaire comme les autres puisqu'il n'y a pas de preuves qu'ils sont auteurs de ce gribouillage à la base de leur incarcération vers 16h de ce jeudi. Au niveau du parquet de Bururi, l'on indique avoir été mis au courant de ces arrestations pour des réseaux d'enquête. Antoine Nsabiyumva, directeur provincial de l'éducation de la formation technique et professionnelle de Bururi, qui aurait sollicité le service national de renseignement à Bururi pour procéder à ces arrestations, sur information fournie par le directeur du lycée communal Kirimba Sud, n'infirme ni ne confirme les faits. Il indique seulement que les élèves sont des citoyens comme tant d'autres, que la justice peut interpeller chaque fois de besoin. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. Et le ministre des Travaux publics et de l'Aménagement du territoire fait savoir que des études de protection de la capitale Bujumbura contre les inondations ont été menées pour trouver une solution durable à ce problème. C'était lors des questions orales à l'Assemblée nationale ce jeudi. C'est au moment où les élus du peuple ont voulu savoir l'action du gouvernement pour protéger les citadins de ces catastrophes naturelles. Jean Bosco Nzenimana leur a précisé que certains travaux de protection des rivières traversant la capitale sont en cours. Les précisions de Moïse Misago. Lors de ces questions orales, certains députés ont voulu savoir ce que le gouvernement est en train de faire pour protéger les rivières de la zone Kanyosha au sud de la capitale. Le député Odette Habonimana est l'un de ces députés. Il fait savoir que ces inondations causent des dégâts matériels. Cet élu du peuple dit ne pas comprendre cette situation alors que des études se font avant l'attribution des parcelles. À l'endroit appelé Nengabusoro, Kizingwe, Bihara, c'est en zone Kanyosha, mairie de Bujumbura. Vous êtes en train d'y construire. Mais on remarque qu'aujourd'hui, au quartier Gissio et Nyabugete, il y a un problème de manque de canalisation qui cause à la fin des inondations. Je voulais savoir ce qui est en train d'être fait pour faire face à ces inondations observées dans ces quartiers. Le ministre des Travaux publics et Aménagement du territoire explique que des études ont été faites dans ces quartiers. Les raisons de ces inondations sont entre autres le ruissellement des eaux en provenance des montagnes qui surplombent la capitale et les constructions anarchiques. Jean Bosco Nunzeni Mana précise que son ministère est à l'œuvre pour trouver une solution durable à ces catastrophes naturelles. Nous n'emménageons aucun effort pour trouver une solution une fois pour toutes, ce que nous avons appelé proposition du plan particulier d'aménagement et d'assainissement dans les zones non aménagées. L'État a pris également une décision d'aménager ces rivières en les dotant des canalisations qui conduiront cette eau jusque dans le lac Tanganyika et nous réjouissons du pas déjà franchi, même si les défis ne manquent pas. Sur cette rivière traversant la capitale économique Bujumbura, certaines ont été réhabilitées, comme l'a indiqué le ministre Nunzeni Mana. Moïse Misago, 18 tablettes destinées à faire l'enregistrement électronique des agririculteurs de la province Ngozi et en besoin d'engrais chimiques ont été distribuées ce jeudi. Selon le directeur en charge de l'agriculture dans cette province, cette méthode vient corriger certaines erreurs qui se commettaient, comme l'apparition des doublons sur les listes des bénéficiaires. Ngozi, Apollinaire Muzagara. Les bénéficiaires de ces tablettes de ce jeudi soir proviennent de 9 communes que compte la province Ngozi. Ils ont d'abord bénéficié d'une formation relative à l'utilisation de ces machines et au travail qu'ils vont faire. Cela permettra l'identification exacte des ménages nécessitant réellement des fertilisants et les quantités nécessaires suite à ces données recueillies électroniquement, dit ingénieur Justin Ouaoué, directeur provincial de l'environnement, agriculture et élevage. Désormais, poursuit-il, chaque ménage sera représenté par un seul individu qui aura à indiquer même la superficie en sa possession pour savoir exactement la quantité d'engrais qu'a besoin son ménage. Il n'y aura plus donc de demande de fertilisants non utilisés sur chaque saison selon cette autorité, car les doubles enregistrements n'existeront plus et même les quantités de semences sélectionnées seront désormais communes par commune grâce aux données fournies par ces machines électroniques. Des vélos facilitant les déplacements durant cette activité ont été également donnés à Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Un hippopotame vit depuis un certain temps dans la zone d'épuration des eaux usées de Buterere en mairie de Bujumbura. Les habitants de cette localité témoignent que cet animal ne leur cause pas de problème. Ils s'inquiètent cependant de la santé de ce ruminant sauvage qui demeure toujours dans ces eaux remplies de déchets humains. C'est un reportage d'Aimé Richard Niyonguru. Mathias dont on parle ici n'est pas un être humain, c'est plutôt un surnom qu'on a attribué à un hippopotame qui vit depuis plus d'une année dans la zone d'épuration des eaux usées de Buterere à mairie de Bujumbura. Thomas Ngondwa est l'un des habitants de cette localité. Il dit que cet animal ne cause pas d'ennui pour l'entourage. Il est venu comme s'il fuyait. Il n'a aucun problème avec les gens, mais il a besoin d'une nourriture suffisante. Il n'est pas virulent. Quand il n'y a pas du monde, il sort de l'eau pour brouter, mais quand il est effrayé par les gens, il retourne dans l'eau. Même son de cloche pour ce jeune rencontré à cet endroit qui indique que la cohabitation pacifique qui règne entre cette espèce animale et la population environnante a donné naissance à un surnom humain. Moi, je le connais très bien. Nous lui avons même donné un nom de Mathias parce que nous vivons en parfaite harmonie. L'hippopotame ne nous effraie pas vraiment. Néanmoins, ces habitants de Buterere sont préoccupés par la santé de cet hippopotame qui demeure toujours dans cette eau qui dort, contenant également des excréments humains. Nous avons l'impression que la santé de cet animal est en danger, car dans cette eau, nous pensons qu'il y a de l'acide. On a déjà constaté des blessures sur le corps de cet animal. L'on ne sait pas si cela est dû à cette eau dans laquelle vit cet hippopotame. Certaines autorités, à savoir ceux de la protection de l'environnement, sont déjà venues ici. Je ne sais pas si ils ont déjà tenté de faire retourner cet animal dans les eaux du lac Tanganyika. Cet animal semi-aquatique, locataire de cette zone d'épuration depuis bientôt 2 ans, aime souvent s'associer aux vaches qui viennent brouter à cet endroit selon les sources sur place. Richard Nyonguru. Mais d'après le professeur Gaspard Nakimazi, environnementaliste et zoologue, même si cet hippopotame qui vit dans la station d'épuration de Buterere ne nuit ni à la vie de l'homme ni à sa vie, sa bouse est une pollution biologique. On l'écoute. Mais ce que je sais, c'est que les hippopotames vivent normalement en communauté, en groupe dans lequel il y a un mâle dominant et tous les autres. Mais à un moment donné, le mâle dominant peut être détrôné par un nouveau mâle fort. Et souvent, ils se battent et celui qui perd la bataille doit quitter le groupe. Il se peut alors que cet hippopotame soit dans ce cas-là, ou bien il se peut même qu'il est sorti pour aller chercher à manger, qu'il s'est perdu, qu'il n'a pas retrouvé le chemin. On le pousse un peu en lui montrant le chemin. Il peut rejoindre les autres. S'il a quitté exprès le groupe parce qu'il en a été chassé, même s'il retourne dans le lac, il ira dans un coin tout seul. Dans le deuxième étang, l'eau est déjà un peu plus propre, c'est déjà une eau déjà un peu verte, il y a des algues. Mais il y a un troisième étang, d'ailleurs un étang moins profond, plus étendu, où pousse de la végétation. Moi, je pense que ça doit être dans cet étang-là où les hippopotames trouvent l'herbe qui pousse là-bas. Si c'est là qu'il est, là, il ne cause aucun problème. Il peut vivre très longtemps, là, ne cause aucune perturbation, ni pour la population, ni d'ailleurs pour l'eau qui en sort. Pour moi, on peut rappeler ça une pollution organique, mais c'est une pollution organique qui se réglemente elle-même naturellement. On appelle ça une dégradation biologique. Ça se passe normalement, là. Mais même déjà, l'eau qui entre dans le lac Tanganyika est déjà pas mal enrichie. Ça ne causera pas de problème ni pour le lac Tanganyika, ni pour personne. Comment et qui peut le faire retourner dans son milieu naturel? À mon avis, je crois que le personnel de l'institution en charge de la faune peut organiser un jour une opération pour aider ce minier d'hippopotame vers le lac Tanganyika. Là. Il y a juste qu'à se mettre 4 ou 5 derrière l'hippopotame, en faisant du bruit, lui va se déplacer d'un côté qu'on aura laissé libre. C'est comme on fait habituellement, même pour conduire des animaux. On va derrière, on pousse là, en faisant du bruit. Et en bref, le maire de la ville de Bujumbura demande aux administratifs à la base de renforcer le contrôle des mouvements de la population pour bien maîtriser la sécurité. Dans une réunion de sécurité avec les administratifs et les forces de l'ordre, Freddy Mbonima a souligné que le phénomène de malfaiteurs munis de machettes s'intensifie. Le maire de la ville a indiqué que ce phénomène fait aujourd'hui parler de lui dans les zones de Ngagara et Gihosha après le quartier Kibenga. Et le manque de devises au Burundi s'explique par la faible production qui entraîne le manque de produits destinés à l'exportation. C'est le point de vue de l'économiste Jean-Prosper Nibouké, professeur d'université. Selon lui, cette carence de devises entraîne la hausse des prix suite à l'élargissement de l'assiette fiscale. Au moment où les bienfaiteurs semblent avoir tourné le dos au pays, le gouvernement devrait adopter des stratégies permettant de transformer l'appui financier au partenariat commercial. Il indique que le peu de devises disponibles est souvent utilisé pour couvrir les besoins de fonctionnement au détriment de l'investissement. Et en actualité, sur l'éducation, les effectifs d'abandon scolaire en Provence-Muramvia ont diminué cette année par rapport à la précédente, comme confirmé par Stanley Nimbona, directeur de l'enseignement dans cette province. Ces abandons scolaires sont passés de plus de 9000 l'année scolaire dernière à moins de 3000 cette année en cours. Les responsables scolaires et les directeurs communaux et provinciaux d'enseignement expliquent que cette baisse se justifie par la sensibilisation faite par les intervenants dans ce secteur de l'éducation dans la province de Muramvia. C'est un reportage d'Eli Nibel Nibigira de retour de Muramvia. Nous sommes à l'école fondamentale de Kilembera, se trouvant en commune Mbouye de la province de Muramvia. Le directeur de cette école, Sike Nsenzo Monsi, informe que les effectifs sur les abandons scolaires ont baissé. Selon lui, les garçons abandonnent l'école plus que les filles parce qu'ils partent à la recherche de l'argent. À la rentrée scolaire, nous avions 564 élèves. Pour le cas des abandons, à la fin de l'année, nous avons constaté que 24 garçons et 14 filles ont abandonné l'école, c'est-à-dire 6,7%. Au cours de cette année scolaire 2018-2019, pour les garçons, les abandons sont au nombre de 9 et les filles 3, total 12. Cette chute d'élèves qui quittent le banc de l'école est confirmée par le directeur de l'enseignement en commune Mbouye. Juvenal Ndaïsaba se réfère sur les chiffres contenus dans les rapports qu'il détient. Nous remarquons que actuellement les abandons ne sont pas sur le ton que nous avons l'année passée dans l'année scolaire 2017-2018. Parce que l'année passée 2017-2018, le taux d'abandon était à 8,5. Mais jusqu'à l'heure où nous sommes, nous avons 1,9 le taux d'abandon jusqu'à cette finit par cours du deuxième trimestre, nous avons un taux d'abandon de 8.9. Jusqu'à l'heure où nous sommes, les abandons sont à 37 élèves pour le poste fondamental, environ 0,8 si on compare avec tous les élèves que nous avons pour le poste fondamental. En ce qui concerne les raisons de cette baisse, Stanini Mbona, directeur de l'enseignement en province Muramvya, explique qu'il s'agit des réunions faites avec les intervenants dans le secteur de l'éducation dans cette province et appelle ses collègues à faire de même. Pour pouvoir réduire le taux d'abandon scolaire, nous avons fait recours aux réunions de sensibilisation de la part des parents, des élèves et même et des autorités pour montrer à ces élèves l'importance de l'école pour leur avenir. Pour les autres directeurs provinciaux, c'est de faire de même. Ce directeur affirme également qu'au cours de cette année scolaire, qui s'achemine vers la fin, les garçons viennent en première position dans l'abandon scolaire par rapport aux filles dans cette province. Eline Bel Nibigira, et avant la chronique environnement, comme je vous l'avais dit, qui nous parle de l'urgence de protection des sources d'eau, voici ce qui se passe en actualité internationale. Theresa May a annoncé sa démission et c'est la première ministre britannique. Elle l'a déclaré ce vendredi. Elle a annoncé qu'elle quitterait son fauteuil le 7 juin prochain. Son départ interviendra au lendemain de la visite d'État de Donald Trump, le président américain, au Royaume-Uni. Et alors que le pays est toujours dans l'impasse concernant la tenue du Brexit. Cette démission donc fait suite à son échec, à l'échec de Theresa May à faire adopter son plan de retrait de l'Union européenne. La voix étranglée par l'émotion, la première ministre a précisé qu'elle est démissionnaire de ses fonctions de chef du parti conservateur et donc de chef du gouvernement. Radio Isanganiro, chronique environnement. Je vous l'avais dit dans les titres, le Burundi compte plus de 24 000 sources d'eau, dont près de 2 000 ont déjà tari et plus de 4 000 en cours de tarissement. Selon le professeur et chercheur environnementaliste Frédéric Evangilinama, les activités agricoles non conformes à la réglementation sont les principaux facteurs de ce tarissement alarmant. Le gouvernement devrait prendre des mesures de protection de ces sources d'eau dans l'urgence. Cette chronique environnement est signée Christelle Anisigama. Les sources d'eau au Burundi proviennent de la nappe phréatique. Celle-ci est alimentée par les eaux des précipitations qui s'infiltrent dans le sol. Selon professeur et chercheur environnementaliste Frédéric Evangilinama, toutes les rivières prennent source dans la crête Congo-Nil. Une fois que la protection du sol est satisfaisante, on va avoir des sources d'eau qui ont de l'eau propre. Et nous avons la chance au Burundi, partout où tu passes, l'eau est buvable, ce qui n'est pas le cas pour les autres pays. Dans le temps, là où il y a une source d'eau, il devrait y avoir une bande de reboisement protection pour empêcher que l'eau se souille. Au moment où près de 2000 sources d'eau ont déjà tari, ce professeur affirme que les provinces Tongozi et Karusi sont concernées par ce tarissement des sources d'eau. J'ai déjà fait une étude dernièrement dans le cadre de l'aménagement des marais, dans le marais de Nyamuswaga, c'est tout près de Ngozi, à Narufu, c'est tout près de Malangara, à Gisuma, c'est à Karusi. Lorsque j'étais en train de faire un focus group avec la population riveraine, il y avait des déclarations qui faisaient état de tarissement des sources. Même si vous allez dans certaines villes, vous trouvez des addictions d'eau qui ont été faites il y a 2 ans, 3 ans, et vous trouvez que les bornes fontaines, il n'y a plus de l'eau. La déforestation, les constructions anarchiques et les activités agricoles non conformes à la réglementation sont les principaux facteurs de ce tarissement alarmant, explique toujours ce chercheur environnementaliste. Le tarissement des sources peut être dit au changement climatique. Si les arbres ne sont pas suffisants, si les forêts se sont déboisées, on va trouver qu'il y a diminution au fil du temps des précipitations. La nappe phréatique qui ne sera plus alimenté au même rythme. L'utilisation accrue de l'eau, notamment dans l'irrigation, notamment dans l'aménagement, qui fait que l'eau va percoler rapidement. Si les sources d'eau tarissent, vous comprenez qu'on va tendre vers où toute la population serait obligée d'acheter de l'eau, ce qui n'était pas le cas au Burundi. Frédéric Evangilinama estime que le gouvernement doit s'investir dans la protection de ses sources d'eau depuis l'amont jusqu'en aval afin d'augmenter les chances des précipitations. précipitations par la protection de la couverture forestière. Il faudrait des mesures correctives qui permettraient à ce que la population soit réellement contrainte à appliquer certaines mesures de planning familial. La population devrait connaître que avoir 3 enfants qui ont étudié et qui ont arrivé à un niveau élevé dans la société est mieux que d'avoir 10 enfants qui sont tous au même ménage autour du père et de la mère alors qu'il n'y a plus de champs qu'il faut cultiver. Protéger ces sources d'eau doit être une urgence selon Frédéric Bangirinama. Alors que le Burundi ne dispose d'aucun cours d'eau provenant de l'extérieur, il est de ce fait tenu de bien gérer les sources hydrauliques internes. Merci Christella Nizigama, merci professeur Frédéric. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouayo pour la mise en onde. Au micro Jean Bosco Ndouimana. Passez un bon après-midi à l'écoute de nos programmes. Êtes-vous jeune ?